J'étais rendu, je me rappelle pas où, mais ça commençait à être intéressant. C'était là. Ça continuait à être intéressant dans le sujet. Donc, parce que l'être humain est capable de faire une fusion de ses personnalités inférieures, parce que le mental est capable de prendre suffisamment le contrôle pour, au minimum, ne plus être coloré par le système émotif, par ce qui se passe à l'extérieur du mental, parce que le mental ne s'identifie plus à tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que le maître de la maison cesse de penser que chaque fois que son chat sort sur le balcon, que c'est lui qui sort sur le balcon, nécessairement, ça crée une centricité au niveau de la conscience lucide chez lui-même. Ça fait en sorte que ce qu'il avait placé un peu dans le plan moronciel en termes d'anégoïsation, des constituants de dométhérique vont commencer à graviter autour de lui. Faisant cela, ça va créer une espèce de protection qui va intelligencer l'ego, qui va permettre à l'ego d'être de moins en moins en contact avec l'extérieur. Il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, sous la pression du mental qui, par l'ajusteur de pensée, tend à descendre dans l'âme, l'ego va essayer de fuir, c'est-à-dire que l'ego va essayer de se désincarner et il ne tuera pas nécessairement le corps physique. L'ego peut essayer de se désincarner, c'est pourquoi ça peut se faire très rapidement. Essayant de se désincarner, l'ego va essayer de passer par le canal réincarnationnel pour regagner le monde de la mort. Ce qui va arriver bien souvent, c'est que l'ego étant trop gros, donc parce que l'être humain n'est pas suffisamment égoïsé, l'ego qui rentre dans le canal réincarnationnel ne réussit pas à traverser, mais le bouche. Alors, quand je parle d'étranglement du canal réincarnationnel, c'est un phénomène, les demandes sont le bouche, la même chose. Alors, il arrive quoi? Il arrive que l'ego étant pris là-dedans, peut à peu près pas contrôler le corps physique, ça devient, le corps ressemble à un être humain qui est de moins en moins efficace, sauf évidemment si l'ajusteur de pensée est opérationnel, puis que c'est l'intelligence maintenant qui descend. Alors, ça descend drôlement vite. L'ego va continuer à se faire gruger, et progressivement, dans son anégoïsation, il va devenir suffisamment petit pour pouvoir traverser, donc être rejeté par le canal réincarnationnel. Cela veut dire que tu redonnes au monde de la mort ce que le monde de la mort t'avait donné au préalable. Étant donné que l'être humain a suffisamment dans son corps de génétique, on parlait à un moment donné d'approximativement 30 millions de personnalités réincarnatives qui, génétiquement, vont constituer une grande partie des mémoires réincarnationnelles de l'humain. Là, oui, on a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas seulement le monde de la mort, donc il n'y a pas seulement le fait d'étrangler le canal réincarnationnel, mais il y a toutes les inhibitions de ces 30 millions de personnalités qui habitent chacun des êtres humains, qui maintenant doivent être fusionnées avant que commence la fusion endométhérique. Donc, il y a le mental qui décide d'instaurer sa conscience, sa vision mentale à travers la vision de l'astral, à travers demain, la conscience vitale et la conscience physique, mais il reste une immense armée qui lutte pour empêcher la conscience mentale de se déployer, de devenir supramentale. Progressivement, le double éthérique qui est à même le corps vital, donc c'est à l'intérieur de cela qu'on va placer un double en conformité avec notre conscience lucide. Quand je parle lucide, je parle de la conscience de la conscience. Tu peux étudier consciemment et tu peux en même temps ne pas être conscient que tu étudies. Étudier consciemment, c'est un facteur de l'ego. Être conscient que tu étudies consciemment, c'est le mental qui observe. Donc, la conscience lucide, le double éthérique, va créer le double de la conscience lucide. Et ça, c'est ce que l'homme est, ce que la femme est, ce que l'enfant est. Quand le mental est capable de savoir qu'il est cela, et ce n'est pas un jeu, c'est sûr, c'est évident, on peut jouer. Si on joue, on améliore déjà sa vie. Mais la question n'est pas de jouer, c'est préférable que vous souffriez encore un peu plus pour vous libérer plus rapidement que de commencer à toujours se mettre du baume un peu partout dans l'espoir de s'illusionner qu'on est mieux pour s'écraser, se désillusionner quelques années après régulièrement. Cela veut dire que l'être humain ne doit pas jouer qu'il est le mental. Il doit comprendre, effectivement. Puis la question fondamentale à vous poser, c'est quand vous faites des choses stupides, et on prend l'exemple de la cigarette, qui est une des choses qui n'est pas nécessairement écologique, mais quand à un moment donné, il y a une partie de l'individu qui veut cesser de fumer, on pose la question, bon, disons que tu fumes toi, alors est-ce que tu fumes? Oui. Est-ce que c'est intelligent de fumer? Non. Est-ce que tu es intelligent? Oui. Jusque-là, ça va. Et la question fatidique, alors pourquoi fumes-tu? Si je suis intelligent et que ce n'est pas intelligent de fumer, pourquoi fumes-tu? La grosse problématique dans la psychologie des animaux humains sur la planète, c'est qu'ils se posent cette question-là. Pourquoi suis-je si faible? Pourquoi je le fais? Est-ce que tu trouves intelligent de battre ta femme? Non. Es-tu intelligent? Oui. Pourquoi bats-tu ta femme? Et on ne pourra jamais répondre à cette question tant qu'on va considérer que le mental est celui qui fait la chose, que c'est une unité. La seule façon de répondre à la question « Pourquoi l'abats-tu? » La réponse est simple, c'est que moi, qui considère que ce n'est pas intelligent, je ne l'abats pas. Mais il y a quelque chose d'autre chez moi qui, lui, bat ma femme. Quand l'individu est totalement capable de bien discerner ce qu'il est, donc ce que vous êtes, de ce qu'il exprime, de ce que vous pensez que vous êtes, le mental domine. Vous êtes maître-contrôleur. Pas encore à bord du corps physique, mais maître-contrôleur dans la conscience. Cela veut dire que vous commencez à toucher réellement à de la liberté. Cette liberté n'engendre pas encore de libre-arbitre dans l'externe, mais il va commencer à engendrer une forme de libre-arbitre conditionné. C'est-à-dire que quand c'est intelligent, c'est intelligent. Si c'est intelligent, bien, tu le fais. Alors, t'es manipulé par le fait que t'as pas le choix de faire ce que tu sais qu'il faut que tu fasses. Mais c'est pas une manipulation dans le genre astral. Je sais que je veux pas, je le fais pareil. Maudite nuance entre la manipulation d'intelligence dans l'intelligence, donc dans votre intelligence, comparativement à la manipulation de l'astral dans votre ego. J'ai pas le goût, t'es pas nié, j'ai le goût, tu l'as pas, manipulation astrale, il y a une maudite nuance. Alors, ce qui arrive, c'est que, une fois que le mental est capable de créer une centricité de toute la conscience sur un seul niveau, le double éthérique, le phénomène anégoïque va graviter autour, et progressivement, on aura une conscience de plus en plus lucide qui va engendrer, à un moment donné, une dissolution rapide de l'ego, ou encore une expulsion de l'anti-homme qui va rester dans le monde de la mort, ou une expulsion de l'anti-homme dans le monde de la réalité. Par la suite, on devra le réaffronter. On en a déjà parlé, on pourrait revenir plus tard. Bon. Maintenant, il arrive que, à partir de ce moment, l'énergie, on parle de l'eau, de l'énergie, maintenant du double éthérique commence à couler chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le double éthérique est en train de rentrer chez vous. Ça veut dire que c'est en train totalement d'absorber. Donc, vous êtes en fusion. Quand je parle d'éclater, le mot plus juste serait se fusionner. Alors, quand toi, tu vas commencer à éclater, en réalité, tu vas commencer ton processus de fusion avec ton double éthérique. Et il va se finir jusqu'à... Il va se finir dans le temps que ça va lui prendre pour se finir. Bon. La fusion est totalement complétée lorsqu'il n'y a plus de double éthérique dans le plan moronciel. De ce fait, tu ne meurs plus. Tu peux quitter ton corps si tu veux, mais ton corps ne pourra pas t'abandonner. Le processus de fusion va engendrer des symptômes qui sont intéressants. Et la problématique. Qu'est-ce qu'un être fusionné? Mais là, juste par avant, ça veut dire que le corps devient immortel. Oui. Mais jusqu'à quand ce sera nécessaire de vivre dans un corps? Tant qu'il y aura des nécessités. Oui. Tu ne vivras plus dans un corps quand tu vas te fusionner. Tu vas vivre sous l'apparence d'un corps. Tu vas vivre où? Où tu vas être. Habituellement, ça va être comme tu es là. Mais il m'a expliqué. Je vais continuer là, puis tu vas voir qu'est-ce que ça peut donner, à quoi ça va ressembler. Okay. Pourquoi? Parce qu'on va y aller étape par étape, parce que ce que j'explique aujourd'hui, vous pouvez, il y en a beaucoup qui ont des égos encore un peu trop puissamment médiocres, mais vous pourriez, en tout cas, si vous achetez une bonne paire de bottes, vous bottez, commencez facilement un processus de fusion avant 1990. Il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Et faites attention à vos maudits égaux. Parce qu'après 90, ceux qui n'ont pas commencé vont dire, toi, je le savais que c'était pas vrai. Je le savais que si, je savais que ça. C'est comme la pénicilline. Prenez toute la bouteille, ça va guérir. Quand vous vous sentez un peu mieux, vous arrêtez, ça revient. Je savais que c'était pas bon. Il faut appliquer ou ne pas appliquer. On peut pas essayer. Ça se fait. Beaucoup peuvent le faire. L'éclatement, c'est la fusion. C'est le début du processus de fusion. Ça donne quoi? Ce que je dis là, ici, vous ne pourrez pas le voir, et c'est pourquoi vous aurez besoin de quelqu'un pour vous confirmer. Mais ça ressemble à ça, et c'est important que je le dise, pour instruire le monde de la mort, instruire les égos, ça va faciliter l'autorisation. Pourquoi c'est extrêmement compliqué de parler de la fusion? On peut en parler en disant, le processus de la fusion, c'est un processus qui fait que le double éthérique commence à s'intégrer et à se fusionner, à se souder, à se communier, à faire intimement partie du reste des corps inférieurs, des corps terrestrifiés, des corps planétaires. C'est-à-dire... Maintenant, pour que votre ego comprenne ce que ça veut dire, pour que l'ego finisse par acheter l'idée de continuer, Ça veut dire quoi? Alors on dit, homme nouveau, femme nouvelle, enfant nouveau. Ça ressemble à Superman. C'est intéressant, mais ça reste des marionnettes. Alors, l'ego cherche à comprendre quelque chose qui serait, qui pourrait faire un parallèle avec lui. Et chaque fois que j'ai voulu en parler, je n'ai pas été capable pour la simple raison que ça n'a jamais existé sur la planète Terre, un être humain fusionné. Le Nazaréen s'est fusionné une fois parti, il s'est fusionné à sa mort. Alors, on ne l'a pas vu. On ne peut pas en parler. L'être qui se fusionne ressemble à quoi? Et c'est important pour l'ego parce que l'ego n'a pas... Tous vos ancêtres luttent pour vous empêcher de fusionner parce qu'on ne comprend jamais rien. C'est évident que les mondes parallèles pour une conscience astralisée, mémorielle, cristallisée, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose dans l'amusement d'étudier les mondes parallèles. Présentement, la planète Terre n'existe pas. Elle est donc un facteur de monde parallèle. On est chacun sur une planète différente. Chacun reste dans une salle tout seul. Et parce qu'on est relié dans un monde collectif, on a tous l'impression d'être d'un côté de l'autre. Et parce qu'on y croit, on peut même pas s'asseoir sur la chaise vide qui est à côté de nous parce qu'on s'imagine qu'il y a quelqu'un dessus. Et ça fonctionne. C'est de l'illusion. Mais parce que nos égos sont pas habitués à comprendre ce que c'est qu'un monde parallèle, ils ne peuvent pas comprendre différentes choses. Comment pouvons-nous être 25 000 dans un corps humain et chacun être le boss du même corps? Ben ça se fait. Mais ça ne se fait pas dans la compréhension astrale. Par contre, vos égos sont pluriconstitués. Et ils sont les maîtres. Ils se plaignent pas trop. Ils le font, ça se vit, c'est régulier, c'est comme ça. Chaque particularité cellulaire, chaque cellule, chaque partie génétique contient des millions de vos ancêtres. Ils sont tous là. Et leur souffrance réunie est notre souffrance à nous. Leur joie réunie est notre joie à nous. Et ça fonctionne. Alors l'ego se dit, oui mais fusionner, qui va être le boss? Réincarnation pluralitaire fusionnelle, qui va être le patron? Question idiote, je le dis souvent, c'est tout le monde. Mais c'est pas compréhensible. Alors, l'homme qui se fusionne, la femme qui se fusionne, ressemble à quoi? Vous devez imaginer à quoi, comment peut être un être humain qui est tous vos ancêtres réunis, mais tous vos ancêtres réunis exprimés. C'est ça que vous devez comprendre. Comment c'est? C'est un adulte enfant. C'est donc un enfant adulte. C'est un homme ou une femme d'affaires mélangé avec un individu capable de jouer et de danser. Pas danser dans une gang, de sautiller. C'est quelqu'un d'extrêmement sévère qui s'exprime en même temps que celui qui est extrêmement doux. Et je ne parle pas, comme je dis souvent, d'une main de fer dans un gant de velours. Les deux sont intimement fusionnés. Du fer avec du velours après. Bon. Alors, comment pouvons-nous décrire? Ça n'a jamais existé. C'est un adulte, ça ressemble à quoi? C'est simple. Ça ressemble à un adulte qui, à un moment donné, va faire quelque chose que seuls les enfants sont autorisés à faire, puis il n'y a pas un adulte sur la planète qui se sent choqué. C'est une personne de 85 ans qui porte une mini-jupe, puis que ça y va bien. Mais on n'en a jamais vu. Oh, par exemple, prenez, vous êtes des adultes. Ben, soyez-vous sur un banc dans un autobus, puis sucez votre pouce. Ça passera pas. Si vous seriez fusionné, vous le feriez, puis tout le monde trouverait ça joli, cute. Pas de problème. Alors, ça veut dire que l'être humain doit être totalement l'expression de tout ce qui, dans sa génétique, de tout ce qui, dans ses ancêtres, bref, il doit, la fusion permet à des millions et des millions d'entités humaines d'être sauvées, prendre le terme spirituel, d'être luminisées, d'être transformées en lumière, en intelligence. Mais qui dirige? Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un sourire absolument génial, vous dites à quelqu'un non, puis il vous croit. Pourquoi? Parce qu'il sent l'atrocité de votre puissance. Mais en même temps, il ne peut pas vous détester, vous êtes trop parfait. Ça veut dire qu'un individu qui s'approche pour vous têter, vous tête pas. Pourquoi? Parce que s'approchant de vous, il mute, il change. Rendu tout proche de vous, c'est trop, il est heureux, puis il se ferme la gueule. Puis quand il s'éloigne, il rentre chez lui, ben il pense qu'à ça. Ah, la prochaine fois, là, je vais. Puis quand il se rapproche de vous, vous allez l'omnibuler, c'est évident. Mais veut pas, pour la première fois, ses égaux vont aussi toucher à du résultat. La fusion permet ça. Quand j'expliquais la dernière conférence qu'il y avait une entité morontielle que l'on pouvait appeler et intégrer, digérer, par la suite, j'ai fouillé. J'ai eu deux fois la possibilité d'intégrer une entité morontielle. J'ai expliqué qu'il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas faire. Quand on veut l'intégrer, tout ce que l'adulte fait doit plus être fait. Parce que vous ne pourrez jamais l'intégrer. Après avoir fouillé un petit peu plus, je me suis rendu compte que finalement, c'est mon double éthérique que j'allais fusionner. Et effectivement, si on crée, on sculpte dans la matière morontielle, dans la matière qui va servir de plâtre, de glaise pour sculpter, c'est uniquement dans la matière morontielle que nous avons projeté dans le monde de la mort. Dans le plan morontiel, pardon, et qu'on a retiré du monde de la mort par l'attraction de l'entité spirituelle. Ça reste coloré. Ça aura une forme. Une forme qui aura été sculptée par notre conscience. Et par la suite, on se l'approche, elle vient nous voir, elle nous va. La première chose que tu devrais réincarner, toi, c'est le Michel quand tu étais jeune, avant 11 ans. C'est lui qui doit maintenant te diriger. C'est lui qui doit renaître chez toi. Et alors, on aura l'adulte jeune. Le même. Il faisait des mauvais coups, mais maintenant, il y a l'adulte pour corriger. Le maître et l'élève. Parce qu'à un moment donné, la grosse problématique, c'est qu'on finit par être uniquement jeune. Ou on est parfait pour être changé, ou on ne connaît rien. Uniquement âgé, ou on connaît, on n'a plus rien pour se changer. On doit ramasser les deux. Pas philosophiquement. C'est évident que quand ça va être vécu, vous allez comprendre que c'est matériellement, énergétiquement, c'est tangible. Entendant, évidemment, c'est conceptuel. L'homme, la femme, l'enfant fusionné est l'expression simultanée de tout ça. Dirigé par de l'intelligence, vous n'aurez jamais de colère parce que votre mental est le maître. Donc, elle ne s'exprime pas. Par contre, vous serez tout ce que l'humanité, dans ce qu'elle recherche de mieux, vous serez tout cela exprimé dans un. C'est la fusion de l'humain. Ce n'est pas la fin. Quand la fusion est totalement accomplie, la conscience devient une. Quelle conscience devient une? Une avec plusieurs autres personnes ou? Il y a une conscience qui dirige. Tu n'as pas de bilocation. Tu n'as pas une conscience morontielle, donc supramentale, qui communique avec une conscience planétaire, terrestre. Il n'y a qu'une seule conscience qui est l'amalgame de la conscience extraterrestre galactique et la conscience qui sera terrestre planétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'envergure de ce que je dis peut échapper à plusieurs personnes. Tout ça n'est pas tellement important qu'on en comprenne le sens. Je peux en parler histoire de diffuser de l'énergie. Mais cette conscience devient une, unique, parce qu'elle est reliée par l'ajusteur de pensée à des mécaniques extra-créationnelles. L'homme, par ses véhicules, devra traverser la mécanique galactique, universelle, supra-universelle, créationnelle. L'homme, par sa conscience, se libère maintenant, dans cette vie-ci, c'est-à-dire dans cette vie-ci, dans la vie de cette planète. La conscience de l'humain va devenir une uniquement parce que l'être humain, se conscientisant, va fusionner un contexte extrêmement terrestrifié avec un contexte qui n'est pas terrestrifié et galactique, mais cela va se faire par un canal qui est l'ajusteur de pensée, et je l'ai dit souvent, qui est la copie la plus conforme des mécaniques d'intentionnalité qui sont reliées aux dernières couches de la création, donc qui sont en contact avec les mécaniques extra-créationnelles. L'homme, dans sa vie planétaire, n'aura pas dans sa conscience. Il aura biologiquement, enfin matériellement, énergétiquement traversé différents autres plans, pas dans sa conscience. Exactement comme si je te dis, c'est un parallèle que je fais, maintenant que tu es fusionné, ton corps devient un vaisseau séraphique, et pour éliminer, pour sortir de la création, tu dois prendre ce chemin-là. Ce chemin-là traverse notre galaxie, traverse l'univers, traverse différentes autres galaxies dans le même univers, traverse d'autres super-univers, puis finalement sort. Alors, tu auras traversé tout ce qui est matériellement existentiel dans l'univers, dans le super-univers et dans la création. Mais au niveau de ta conscience, non. Et ça se fera dans un temps de conscience que tu détermineras. Ça sera instantané, ça sera des millièmes de seconde, ça sera des milliards de secondes, ça sera comme tu voudras. Mais la conscience a fini. L'être humain ne vivra pas un cheminement fusionnel parce que l'être humain a eu la capacité et a la capacité de soutenir la terrestrification de la mécanique bouddhique et de la mécanique intentionnelle par ses religions, il sera capable, dans la fusion avec son double éthérique, de parvenir à la fusion de l'ajusteur de pensée. Il y a un ajusteur de pensée qui communique entre le plan, l'extra-créationnalité et le plan intentionnel. Il y a un ajusteur de pensée qui communique, ce n'est pas tout à fait le nom d'ajusteur de pensée, mais c'est la même prolongation du canal, c'est le même tuyau. C'est la même rue qui change de nom dépendant des villes. L'ajusteur de pensée va aussi relier le plan intentionnel au plan bouddhique. Il y aura un ajustement. L'ajusteur bouddhique, mais c'est la même chose. L'ajusteur bouddhique va relier l'ajusteur supramental va relier le plan bouddhique au plan supramental. L'ajusteur de pensée, donc l'ajusteur mental, va relier le plan supramental au plan bouddhique, au plan mental. Lorsque nous évoluons, il vient un moment donné où le médiocrisme de l'ego est suffisamment atténué pour que nous acceptions l'idée, donc nous acceptons maintenant de muter, nous allons accepter le fait que c'est nous qui sommes le maître. Donc, nous digérons l'ajusteur de pensée, l'ajusteur mental, supramental. Par la suite, lorsqu'il y a fusion entre le double éthérique et le corps de chair, donc les plans inférieurs, il y a amalgamation, il y a digestion, assimilation, pas tout à fait destruction, mais alchimisation de l'ajusteur de pensée entre le phénomène supramental et le phénomène bouddhique. Cela veut dire que du moment que l'être humain a une fusion entre son double éthérique et lui-même, parce qu'il a suffisamment de colorations planétaires, qui sont les correspondances bouddhiques, intentionnelles et supramentales, qu'on appelle l'esprit, qu'on appelle le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce qu'il a suffisamment de correspondances dans la forme, même s'il n'a jamais été capable d'en exprimer l'essence, il a quand même des correspondances dans la forme. L'intelligence supramentale qui est de l'énergie formelle, qui est capable de prendre des formes, et elle va remplir ses contenants, ses récipients, et elle va permettre à l'être humain de fusionner non seulement un double éthérique, mais de fusionner en même temps toutes les caractéristiques de l'être humain bouddhique et de l'être humain intentionnel. Cela permet à notre fusionné de ne pas avoir à traverser toutes les structures infusionnelles qu'on connaît dans la création, et de toute façon, parce qu'il aura par transport séraphique à cheminer à travers cela au complet, il va simplement résorber le reste de son canal tout le long s'en allant, accomplissant et terminant totalement sa fusion. Cela veut dire que l'être humain qui se fusionne est un être humain qui devient nécessairement des répliques. Et le terme que j'emploie ces derniers temps, le terme qui me va le plus pour exprimer ce que c'est qu'un être fusionné, c'est le terme ange. C'est la réplique spirituelle que l'humain se fait le plus de ce que ça peut ressembler. L'ange d'un serviteur de Dieu. Donc ça, c'est l'émotivisation, c'est le médiocrisme. Bon, ça, on oublie ça complètement. Mais on parle d'un individu qui est adulte, enfant, qui peut faire à peu près n'importe quoi, sinon n'importe quoi, qui n'est pas capable de haine, mais qui est capable d'un amour extrêmement discipliné. Donc, il est capable de t'aimer puis de casser la gueule. Alors, le mot ange est un mot convenable. C'est un mot dangereux parce que c'est un mot qui provient de la planète Terre. Bon, si on prend un autre mot, il ne voudra rien dire. Alors, tant pis, c'est un mot convenable. Lorsque l'être humain vit la phase de début de fusion, nécessairement, il commence son éclatement. Cela veut dire que, premièrement, il a un mental dominant. Ayant un mental dominant, il a un mental qui n'est plus coloré par son émotivité. Je répète, c'est la clé. S'écœurer sans se déprimer augmente l'énergie à l'intérieur. J'ai déjà expliqué souvent qu'on ne devrait jamais aller se plaindre. Vous gagnez 1 million de dollars, allez pas vous plaindre. Autrement dit, parlez-en pas. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'on a de la difficulté à supporter, c'est elle qui va nous faire grimper. On doit apprendre à la digérer. Et là, on s'en sert, là, on s'énergifie. Vous venez de perdre 1 million, fermez vos grands gueules aussi. Pourtant, c'est applicable. Ce que je dis là, c'est difficilement applicable par l'animal humain, difficilement applicable par l'être transitif, je comprends. Mais c'est applicable, c'est matériel, c'est là. Vous pouvez l'écrire sur un papier et travailler pour programmer l'ego, vous autoriser à le devenir. C'est applicable. Ce n'est pas dans le genre, eh bien, fusionnez-vous. C'est vrai aussi. Mais c'est plus complexe à appliquer. Ça va se faire. La loi piscéenne, elle est simple. Ça va se faire quand ça va être le temps. La loi aquarienne, elle est simple. C'est le temps quand ça se fait. On doit se brancher dans l'une ou dans l'autre. Mais la problématique, c'est qu'entre les deux, il y a un grand chemin. Il y a un pont. Et quand on se met à traverser, le pont semble tellement neuf, tellement bizarre, tellement subtil, qu'il fait peur à l'ego. Alors, on met un pied, deux pieds, trois pieds, on revient, on passe, on revient. Et ce qui arrive à la majorité des êtres humains qui se conscientisent, c'est qu'à un moment donné, quand on est resté trop longtemps sorti de l'air du poisson, bien, on se fait claquer la porte, on ne peut plus rentrer. Puis comme on n'est pas rentré dans l'air du verso, des termes spirituels, mais on comprend l'intelligence de ce que je veux dire, parce qu'on n'est pas encore rentré dedans, les lois du passé ne nous vont plus, les lois de l'avenir ne nous touchent pas. Alors, on est moins manipulé par l'astral. On est manipulé uniquement par nous-mêmes. On est manipulé par les problèmes qu'on se place. On est manipulé par notre génétique, ce qu'on transporte avec nous. Changez d'univers, vous resterez le même problème. Vous ne gueulerez pas contre le grippin qui ne fonctionne pas. Vous allez gueuler contre ce coup volant qui est 30 milliardième de seconde en retard. Et vous resterez des gueuleurs. Ça ne change rien. Et présentement, la majorité se retrouve entre les deux. Toutes les lois de support, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient émotives, spirituelles, etc., du poisson, ne vous toucheront plus. Et là, on se dit, yeah! Et toutes les lois qui devraient vous toucher, vous touchent pas encore. Alors là, on se dit, merde! L'humain doit régler à l'interne son problème. Vous ne pourrez pas apprendre à vous servir de vos 10 000 yeux pour reconstituer une image convenable de ce que les 10 000 yeux voient tant que vous n'aurez pas réglé le problème du cerveau, pour créer l'association. On a deux yeux présentement. Nos deux yeux ne nous font pas voir deux choses. Ils nous font voir une tridimensionnalité. Donc, le cerveau additionne, ajuste, recrée une image qui nous va. 10 000 yeux, c'est plus que ça, c'est une vision sur tous les azimuts de la conscience. Mais on commence par régler les problèmes à l'interne. Ce que je vous dis est extrêmement applicable. Je vous le dis uniquement pour certains individus. Mais tous les autres qui écoutent peuvent aussi l'appliquer. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que ce que j'explique aujourd'hui ne s'adresse pas à tout le monde. Mais c'est applicable par tout le monde. Pour être très philosophique, ça s'adresse uniquement à ceux qui vont l'appliquer. Le mental ne doit pas être coloré. Première chose. On doit continuer à intelligencer pour un égoïser. Deuxième chose. Qu'est-ce que ça veut dire que le mental doit rester pur? C'est simple. Ça veut dire que dans l'évolution, et il faut comprendre une chose juste avant, si vous auriez su cela il y a un an, ça ne vous aurait servi à rien. Pourquoi? Parce que vous deviez apprendre l'extrémité pour en comprendre le milieu. Parce que si on vous aurait enseigné le milieu, vous aurez cru que c'est l'extrémité. Il n'est pas nécessaire, il n'a jamais été nécessaire. Je n'ai jamais dit que c'était nécessaire, mais je n'ai jamais dit le contraire. Il n'est pas nécessaire que continuellement, vous soyez en état de guerre contre vous-même. Et être en état de guerre contre soi-même, cela veut dire qu'il y a une partie de l'ego qui joue le jeu du mental et puis qui se bat contre le reste de l'ego. Ça a des résultats qui peuvent de temps en temps vous donner un petit coup de pouce, mais ce ne sont pas des résultats qui sont rapides. Ça fait partie de l'évolution lunaire. Ça ne fait pas partie de l'évolution solaire. Facile, plaisante, agréable. On peut se permettre le luxe de rester croche comme on est, de rester débile comme on est, de sécuriser tant que vous voudrez, à l'exclusive condition que ça ne dérange pas votre mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça revient à la colère mentale douce, ça revient à bien des choses, mais je préfère préciser de façon à ce que ce soit plus compris, de façon à ce que ce soit plus utilisable, donc plus utile. C'est que lorsque vous avez des problèmes à l'interne, foutez-vous-en. Cessez d'être le jouet de vos problèmes, ou en réalité, le jouet des problèmes que vous voyez. Quand vous êtes chez vous et que vous vous en faites pour la planète parce que vous lisez les journaux, ben vous êtes exactement comme le mental qui s'en fait parce que le cœur accélère. Quand je parle d'aristocratie, mes mots, vous devez devenir aristocrate. Parce que ça facilite énormément les choses. aristocrates sont ceux qui vont dans l'avenir exprimer l'intelligence. Dans le langage aristocratique, on élimine à peu près à 100% le langage de l'astral. Donc, on ne permet et n'autorise que le langage du mental. Et c'est ce que vous devez faire. Il doit y avoir énormément d'ordre chez vous. D'ordre dans la maison, d'ordre dans la sacoche, d'ordre dans la valise de l'auto. Parce que là où il y a le désordre, il y a de l'astral. C'est pourtant facile. Très applicable. Et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que de cette façon, vous engendrez une attitude, donc une programmation de l'ego, une attitude mentale. Et en ayant une attitude mentale, progressivement, vous allez faire en sorte que tous les créneaux d'expression deviennent mentales. Et vous, mental, allez pouvoir vous exprimer drôlement plus facilement. Vous allez devenir le maître contrôleur de votre corps et de votre vie. Par la suite, nécessairement, il y aura le début du processus de fusion. Et ça se fait vite. Ça va se faire. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont observer que d'autres le font, c'est tout. Mais comprenez une chose. Il y a plusieurs animaux humains, des parties de certains d'entre vous, des égaux, qui se posent des questions. Et qui, parce qu'ils sont intellectuels, refusent d'autres choses. L'intelligence supramentale ne peut vous dire combien de cheveux vous avez sur la tête. L'intelligence supramentale ne peut vous dire quel médicament vous devriez employer pour guérir telle pathologie. L'intelligence supramentale n'est pas médecin. Elle n'est pas mécanicien. À un moment donné, lorsque vous aurez accompli une fusion, lorsque vous aurez une conscience suffisamment supramentalisée planétaire, vous serez mécanicien. Quand vous allez approcher d'un moteur qui ne fonctionne pas, il va se réparer automatiquement pour vous faire plaisir. Quand vous allez vous approcher d'un corps physique qui est malade, il va se guérir automatiquement pour vous faire plaisir. Mais vous ne l'aurez pas guéri. Le Nazaréen n'a jamais guéri personne non plus. Les individus passent à côté et se guérissent à eux-mêmes. Pour lui faire plaisir. Pour le confirmer. Le Nazaréen n'aurait jamais su qu'il est Nazaréen si les gens ne seraient pas guéris pour lui. Appliquer, c'est facile. Se rappeler qu'on doit appliquer, c'est autre chose. Et travailler pour être le maître contrôleur, c'est-à-dire pour avoir un mental absolument limpide, on doit le faire. S'écœurer sans se déprimer, c'est évident. S'amuser. Plaisir. Il y a suffisamment de choses qui sont dites. Je peux répondre à certaines questions. On va répondre aux questions sur ce papier. Je vais répondre uniquement aux questions qui vont dans le sens de la conférence, uniquement pour être certain que lorsque vous allez quitter, le seul élément qui va rester, c'est l'important de ce qui a été dit avant. Si vous ne comprenez pas pourquoi je le fais ou ce que je veux dire, posez la question. Il y a possibilité de changement rapide, possibilité d'accomplir. C'est exactement comme si vous aviez appris à piloter un avion de chasse, puis maintenant, c'est le temps d'embarquer dedans et de l'essayer. Or, du simulateur de vol, aller à l'avion, il y a une grande nuance, vos égos sont insécurs, tout le monde a peur, mais c'est ça. Vous pouvez aussi retourner dans le simulateur pendant 5-6 ans encore, si vous voulez. Mais il y aura toujours cette même maudite peur à traverser la journée où vous devrez embarquer dans le vrai avion. Aujourd'hui, dans 2 mois, dans 20 ans, ce sera pareil. Sauf que plus il y aura de personnes qui auront piloté des avions, plus vos égos vont se dire « Ah, ben c'est peut-être pas si pire. » Disons que dans 20 ans, vous aurez un peu moins peur. Si vous restez les bras pour piloter, par exemple. On y va avec les questions. Ça englobe le double éthérique, la fusion, du mental vers le double éthérique. Mm-hmm. Est-ce que c'est le double éthérique qui vient rejoindre le corps humain ou c'est le contraire? C'est le contraire du contraire. Non, ça ne change rien. Non. Le double éthérique vient, le corps va. Va vers? Ben oui. OK. Et ensuite de ça, quel est le rôle, plus concrètement, du supramental une fois le double éthérique justement arrivé? D'accord. L'énergie supramentale, c'est exactement un être humain. L'énergie supramentale, c'est un être humain qui vit sur une planète. Cette planète, elle est tridivisée. Et il y a un corps supramental, il y a un corps bouddhique, il y a un corps intentionnel. Et sur cette planète, eh bien, on a l'intention. On peut créer des choses. Mais ce que l'on crée, ce sont des formes qui manquent d'énergie. Alors on crée, je crée un cheval. Voilà, j'ai créé un cheval. Demande-moi pas où il est le cheval. J'ai créé le cheval. Il est où le cheval? Sur une planète très loin qu'on appelle la Terre. Alors, évidemment, l'homme, l'entité sur la planète supramentale se dit, ça ne vaut pas la peine de créer des chevaux. Alors, il crée des moutons. Et les moutons, ils sont où? Sur la planète Terre, quelques milliers d'années-lumière plus loin. Il y a, dans le contexte intentionnel, bouddhique et supramental, la même force de transformation. On va dire évolution, mais ce n'est pas similaire. Tout à fait, de transformation qu'il y a dans le contexte planétaire. Ici, on appelle ça évolution avec, mais est-ce qu'on monte, est-ce qu'on baisse, est-ce qu'on part là, est-ce qu'on part là, on se transforme. Ces deux êtres humains-là, à un moment donné, vont arriver à se rejoindre. C'est-à-dire que présentement, l'humain est en train de créer un pont parce qu'on veut rejoindre celui qui nous envoie des chevaux. Mais l'autre, là-bas, il veut créer un pont pour un jour aller faire l'équitation. Alors, il crée un pont, il descend, il travaille. Donc, il y a le plan intentionnel, il y a le plan bouddhique, il y a le plan supramental. C'est un être humain qui a un corps supramental. On sait que l'énergie supramentale est l'équivalent du corps vital. On a le corps vital, le corps astral, puis le corps mental. Le corps mental parallèle de l'intentionnalité, c'est lui qui va devenir le maître dans un contexte unitaire. Le corps astral, c'est le phénomène bouddhique, ça parle d'amour, ça parle d'affection, mais c'est mémoriel, c'est problématique. Le corps vital, c'est ce qui va engendrer la matière. Le plan supramental, c'est la même chose. C'est pourquoi, avec l'énergie supramentale, on crée un double éthérique, un corps. La problématique, c'est que nous, on a un quatrième niveau qui va être la matérialisation de la chose, c'est-à-dire le fin du fond, que nous n'avons plus, nous n'avons pas. Alors, je fais un parallèle quand même pour que l'humain puisse comprendre, mais c'est similaire, c'est parallèle. Alors, ces êtres-là qui sont toujours en train d'exprimer énormément de choses sans souffrir, mais ne voient jamais rien. Dans leur création, ils créent. Mais ils créent et tout ce qu'ils ont en retour, c'est une correspondance de ce qui est créé. La correspondance de ce qui est créé appartient de la souffrance. Alors, nécessairement, ils s'approchent. C'est un désir intentionnel. C'est pas mécanique. Et progressivement, ils installent un couloir. Ce couloir est projeté à travers la création. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de créer quelque chose qui sera capable de supporter une création moins dense. Et progressivement, ça crée ce que nous appelons l'évolution. Donc, nous sommes en train de créer un canal qui monte. Lorsque l'intelligence commence à nous toucher, elle vient ajuster pour renforcer le canal et elle nous permet maintenant elle crée un cheval, nous faisons de l'équitation et elle fait de l'équitation. Nous l'instruisons. C'est pourquoi je dis que l'intelligence supramentale, c'est un être humain, mais finalement, le plan bouddhique et le plan intentionnel, c'est la même chose. Du point de vue extra-galactique, du point de vue du supramental en montant, ça ne vaut rien. Et c'est dans la même condition. Ce n'est pas émotivisé de la même façon, ce n'est pas émotivisé du tout, mais c'est dans la même condition que l'humain qui se dit que sans Dieu, il n'est rien. Mais en bon, on se dit ça, l'homme, on n'est rien, ça va de soi. Puis l'homme, ce n'est pas uniquement le phénomène de chair. Le phénomène de chair, c'est un phénomène atomique créé pour contenir une forme, permettre des déplacements dans une illusion créée par la mécanique intentionnelle ou bouddhique supramentale. Mais ce n'est pas le corps qui est important, c'est ce qui habite le corps. C'est la capacité d'être capable d'être de la matière capable de parler, d'être de la matière même capable de souffrir. La souffrance est idiote dans sa forme, mais c'est formidablement génial que de la matière puisse souffrir. Bon, l'être humain, ce n'est pas la forme, ce n'est pas le cœur, les poumons, l'intestin, etc. L'être humain, c'est tout ce que ça permet. Nous sommes utiles, importants, si on veut, parce que nous permettons des choses. Nous permettons des choses qui ne sont pas permises dans le reste de l'univers. C'est uniquement l'importance de l'humain. Quand je dis que l'humain est la solution de l'univers, tout ce qui est en haut ne se retrouve qu'en fonction de ce qui est en bas, de l'homme. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas les cheveux, ce n'est pas les oreilles, c'est ce que nous permettons. Nous permettons la souffrance, c'est débile, mais pour un arbre, c'est pas pire. Nous permettons la transformation de la matière, donc nous permettons à l'intentionnalité d'être exprimée, dans des voies colorées, astrales, ce que tu voudras. Mais nous sommes de la matière capable de former de la matière comme des microbes. Nous sommes de la matière capable de former avec du sable des trucs transparents qui maintiennent l'eau. Nous sommes de la matière capable de faire des choses. Nous sommes de la matière capable de subir la compassion. C'est pas génial, la compassion. Pour de la matière, c'est bon, maudit. Nous sommes de la matière capable d'admirer l'esthétisme de la matière. Et pour de la matière, c'est génial. Nous sommes importants uniquement à cause de ce que nous permettons. Plus nous permettons l'intelligence d'être exprimée, plus nous devenons protégés, préservés de l'astral par l'intelligence. Mais ce n'est pas toi, toi ou toi ou toi qui est important. C'est ce qu'on peut faire avec vous. Mais c'est qui ce vous? Ce qu'on peut faire avec le corps, avec la matière. Et nécessairement, il y a l'astral, c'est pas mauvais, c'est très bon, ça permet au mental d'apparaître. Mais pour de la matière, c'est pas si mal. Le mental finit par envisager des cosmogonies à partir de substances qu'il n'a jamais touchées par son physique. Ben, c'est pas si mal, pour de la matière. Le mental finit même par engendrer des dieux, adorer les dieux. C'est chiant, c'est bas. C'est bas par rapport à ce qui part d'en haut. Pour de la matière, c'est pas si mal. Nous sommes utiles, importants, parce que à cause de ce que nous permettons. C'est évident que lorsque l'être humain reste habitué, traditionnellement limité, dans refaire toujours la même chose, bien, il permet toujours la même chose. Alors, la vie va s'arranger, on va manipuler la vie, c'est-à-dire que du point de vue intentionnel, on crée des choses qui, à travers la distance, sont déphasées, déformées. Déformées pourquoi? Parce que nous avons créé, nous, par le monde de la mort. Nous sommes des créateurs à notre niveau, des créateurs qui ne conçoivent pas. Bon, nous créons, mais nous ne concevons pas ce que nous créons. Alors, nécessairement, il y a un problème. C'est cet être humain-là, qui a un corps supramental, qui a un phénomène bouddhique, donc capable de gratuité. Et il est capable de gratuité uniquement parce qu'il est intentionnel. Donc, il est capable de créer sans raison. Ça, c'est de l'intentionnalité. C'est de l'amour parfait. C'est gratuit. Il n'y a pas de raison. C'est supramental en ce sens que sa structure, ayant créé le reste, inclut donc la mémoire du reste. Cet être-là, tu l'habites. On est dedans. Mais pour faire un parallèle, cet être-là qui, chaque fois qu'il crée quelque chose, ne le voit jamais dans la création, projette, bâtit, se dirige vers un monde refroidi, un endroit où, quelque part dans la création, ce qui est créé intra-créationnel arrive. Nous sommes ce genre de choses. À un moment donné, il y a un imbécile parmi vous autres, là, je ne sais pas c'est qui le coupable, là, mais c'est à cause de lui qu'on est tous ici. Il s'est créé là-bas. Et ça a été la chute de l'homme. Mais c'est correct. Il s'est garoché, il s'est projeté, il s'est effusé pour pouvoir être un média qui va pouvoir communiquer avec ceux qui sont là-bas. Bon, j'ai déjà parlé un peu de la mécanique en parlant d'un trou, bon, etc. Là, c'est un parallèle intéressant. Et maintenant, nous devons simplement nous réveiller. Et ce qui descend est extrêmement intéressé à nous aider. Mais tout ce qui a été créé entre eux et nous, souvent, la mécanique extraterrestre, il y en a beaucoup qui sont totalement dangereux. Il y en a, évidemment, ce ne sont pas les extraterrestres comme on les conçoit, qui font partie de ce monde, donc du plan intentionnel bouddhique et supramental, qui, à un moment donné, va finir d'établir le pont entre l'homme et eux-mêmes, et va venir chercher ce qui est transportable. Et c'est pourquoi, de temps en temps, j'emploie le terme ceux qui sont transportables. C'est ce qui se passe. C'est intéressant. Transportable parce que c'est une façon de s'en sortir parce qu'il va y avoir une destruction ou ce serait... Mais on s'en fout. Transportable. Une soupape, le transport sera une soupape à quelque chose qui pourrait être vécu sans ce transport? Non, le transport, c'est une façon planétaire qui est un bon parallèle, le mot est relativement juste. C'est qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui vont être transportés. Qui vont être portés entre un endroit et un autre. Pour revenir. Pourquoi? C'est une question. Ah! Ça dépendra du syndicat. Je ne vibre pas que beaucoup de personnes vont revenir. Vois-tu, il y a une planète Terre qui s'en va, qui se dirige dans l'univers, et puis à un moment donné, ce qui va se passer qu'elle va se scinder en deux. Elle va éclater en monde parallèle. Il y a des individus, des conditions qui vont s'en aller par là-bas, et puis tout le reste au complet va continuer plus noir qu'avant, parce que le blanc va être sorti. Et puis ça va refaire le tour, et puis à un moment donné, ça va recommencer. Jusqu'au jour où tout ce qui l'entoure ne permettra plus son existence. Alors, tout ce qui est dessus, qui était encore dessus, va être, ils vont dire sauvé, nous on va dire détruit. C'est la même chose. Ce n'est pas détruit, mais la forme dans laquelle s'exprimer est détruite. Comme l'arbre est détruit quand on fait un meuble, mais le bois n'est pas détruit. Bon, puis le bois détruit quand tu le brûles, oui, mais les constituants du bois n'ont jamais été détruits. Tout est là. Alors, ce n'est pas une destruction réelle, c'est une transformation, une alchimisation. Tandis que de l'arbre à l'incendie, à la cendre, c'est une destruction qui est négative. Ce qui va se passer dans l'inverse, ça sera de la cendre qui va devenir un meuble, qui va devenir une planche, qui va devenir un arbre. Alors, la cendre est détruite. Mais là, on parle de destruction qui est positive. Pour l'humain, les humains qui vont rester à un moment donné, d'ici quelques milliards d'années, vont être détruits positivement. De ce qu'ils sont, ils vont redevenir ce qu'ils étaient. Présentement, le fait que présentement, des individus qui se portent vers la mentalisation et la supramentalisation vivent des relations qui deviennent de plus en plus agréables dans l'interrelation personnelle. Entre eux autres. Entre eux. Est-ce que c'est dû à ce que tu as parlé aujourd'hui, un cheminement qui est vers, qui se dirige vers ça, ou c'est simplement le fait d'une rechute subtilement, une rechute subtile dans l'astral, dans les hautes sphères spirituelles, astralisées? Ou... Bon, il peut y avoir les deux. Mais une chose est certaine, c'est que la majorité des individus qui se conscientisent et qui s'entendent et qui se vibrent bien l'un l'autre sont des individus qui ont développé une complicité. La complicité est essentielle pour l'humain qui se conscientise parce que vu qu'il ne peut pas devenir astralement ami, il doit devenir énergétiquement ami. Énergétiquement ami, le terme que j'aime le plus, c'est le terme complice. On est complice, mais d'une complicité chevalière. C'est comme si les individus faisaient partie d'une chevalerie, d'une fraternité. Tous les termes sont faux, mais n'empêche. Parce que ce qui se passe n'a pas été vécu souvent. Donc, les mots, il n'y a pas 150 mots pour en parler. Alors, il y a une forme d'amitié, mais d'une amitié beaucoup plus intelligente, d'une amitié beaucoup plus vibrante, énergique, énergétique, qui permet à ces individus-là de fonctionner ensemble. Ce qui va même permettre à ces individus-là de se dire leurs quatre vérités sans que l'ego vienne s'en mêler. Bon, la rechute, non, l'ego peut quand même bénéficier, apprécier ce genre de relation. Et nécessairement, l'ego qui apprécie ça peut créer des problèmes dans le genre. Il peut à un moment donné avoir peur que ça se casse, que cette amitié tombe, comme il l'a toujours connu. Et puis à un moment donné, si l'ego est trop puissant, il peut même travailler pour faire que ça casse. Il faut bien qu'il y ait raison un peu. Quand mon boss me frustre, j'en parle à d'autres. Bon, votre patron ne vous frustre pas. Quand la présence du patron ou ce que le patron fait ou dit crée de la frustration dans votre corps physique, mais ça ne vous frustre pas, vous. Si ça vous frustre, vous, vous n'avez rien à faire ici. Bon, le fait qu'on en parle à d'autres, tout ça, ça soulage cette personne. Absolument. J'ai peur que si j'en parle pas à d'autres, d'éclater avec mon boss. Et que ça, le nuit. Oui, maintenant, il faut faire attention. Quand on parle d'écœurement, quand on parle de pression, vous devez transmuter l'énergie de frustration en énergie d'écœurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon patron, moi, me frustre. Ça. Je dis qu'il me frustre, il me frustre pas, mais je considère encore que c'est moi qui le frustre. Donc, c'est un mot de chien. Comme c'est uniquement émotif ce que je vis, comme le mental n'est même pas là pour rien observer, ben nécessairement, ça s'exprimera dans mon corps, en parole ou en engueulade. Ce que je dois faire, c'est que je dois comprendre que, à l'intérieur de moi, c'est très cave, que c'est extrêmement niaiseux, parce que ça se laisse encore frustrer par un événement qui, dans 10 ans d'ici, n'aura jamais existé. Bon. Et qu'est-ce que je dois trouver niaiseux? Disons, de quoi je devrais être frustré? De rien, mais disons, de quoi je devrais être frustré, c'est d'être frustré par le boss. Alors, quand mon boss vient me voir, puis qu'il me dit quelque chose, puis que moi, je me mets en colère, puis je dis, maudit cave. Pendant que je parle boss, c'est à mon ego. Là, je viens de tout récupérer au complet pour m'écœurer. C'est sûr que le patron ne comprendra pas, parce que le patron, c'est un animal humain, il va considérer que si tu te dis ça, lui, c'est ce qu'il comprend que tu as dit. Pas ce que tu as dit. La personne qui vit sa frustration uniquement au niveau émotif, elle devra l'exprimer par ulcère gastrique, elle devra l'exprimer par artériosclérose, athérosclérose, angine de poitrine, elle devra l'exprimer par de l'arthrite, elle devra l'exprimer par des coups de poing, elle devra l'exprimer en se plaignant à quelqu'un d'autre, c'est correct. Mais ce que vous devez faire, c'est cesser de considérer que le boss vous frustre. Vous devez être capable de rester mental, c'est ce que j'ai expliqué. Quand le boss va venir, il va frustrer votre ego. Possiblement, un ego, c'est frustrable. C'est comme ça, un ego. Pas vous. Si vous, vous restez libre, si vous, vous ne vous identifiez pas à la frustration, si vous autorisez et acceptez de voir la frustration, mais trouvez ça con. Et là, vous allez vous écœurer. Et maintenant, il faut ne pas se déprimer. Pas être écœuré du pas, c'est être écœuré de l'ego qui se frustre à rien. Mais je répète, c'est pas un écœurement astral, c'est pas un écœurement gueulard. C'est une tension, un bouillonnement, un quelque chose qui grimpe chez vous. Quand on parle de l'écœurement qui libère, c'est pas un écœurement à se taper la tête ses murs, ni à taper la tête des autres. C'est un écœurement, c'est une pression interne, c'est un problème, un malaise bizarre, un quelque chose qui est difficile à cerner, puis qui demande que les choses éclatent. Ça, c'est l'écœurement, qui n'est pas émotif. Alors, la personne, elle ne se fait pas frustrer par son patron. Elle pense que la frustration de l'ego, c'est elle. Alors, elle en parle, elle statise, elle attaque le patron par en arrière, plutôt que d'attaquer par en avant. Dans les deux cas, c'est pareil. Ça sert uniquement les forces d'involution. Ce que l'on doit faire, donc, c'est ça. Tout ce qui vous frustre, ça ne vous frustre pas. Ça frustre votre ego mentalement, comprenez-le. Si mentalement, vous parvenez à changer ces petites choses-là, ah ben, vous allez tout changer chez vous. C'est tellement simple. Cessez de rester totalement convaincu que c'est uniquement parce que vous vivez biologiquement quelque chose, vitalement, astralement ou comme vous voudrez, que c'est vous qui le vivez. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ça ne vous frustre pas. Parce que quelqu'un vous pile sur le pied, vous restez convaincu que vous vous pilez sur le pied. Parce que le patron arrive, manipulé, puis pète, ah ben là, la terre vient de changer. J'ai déjà donné l'exemple, c'est la même maudite chose. Vous marchez dans un corridor, vous marchez dans dans une allée, comme ici à l'hôtel. En vous promenant, à un moment donné, il y a quelqu'un qui tient la jambe, puis qui vous enfarge, je ramasse à la ventre. Et vous êtes frustré. Pas parce que vous êtes trop niaiseux pour ne pas tomber. Pas parce que vous êtes trop niaiseux pour avoir détecté vitalement la présence d'un individu. Pas parce que vous êtes trop impuissant pour manipuler l'individu. Vous n'êtes pas frustré pour ça. Pas parce que vous n'avez pas fait une belle roulade et patin à celui qui vous a enfargé. Non, pas pour ça. Vous considérez que vous êtes frustré parce qu'il vous a enfargé. Vous marchez dans un corridor. Vous passez sur le bord d'une porte. Puis un morceau de bois qui tombe. Ça vous enfarge, je ramasse à plat ventre. Vous gueulez un peu. Mais jamais autant. À l'instant où vous allez penser qu'il y a de l'intentionnalité dans le morceau de bois. Alors là, on recommence. Votre patron est une branche d'arbre poussée par le vent qui vient vous fouetter le visage. Gueulez ou ne gueulez pas, ça ne changera rien. Certains vont dire, oui, mais je peux couper la branche. C'est vrai. Mais il y aura toujours d'autres branches. Il y aura toujours de l'eau. Il y aura toujours de la neige. Il y aura toujours, vous n'en sortirez jamais. Si par contre on cesse de projeter la valeur de notre ego dans la valeur des égos ou dans la matière qui nous entoure, bien la majorité de la frustration tombe totalement. Vous facilitez énormément sa vie au boss et la vôtre. Lui va pouvoir gagner plus facilement. Puis vous allez pouvoir évoluer plus facilement. Si c'est un imbécile sur la rue, un handicapé mental qui vient vous voir, puis qui bave, puis qui, à un moment donné, vous demande 25 cents, la tête qui se promène d'un bas puis de l'autre, puis quand vous y avez donné, il s'en va, passant de là, il s'accroche un peu sur vous, ça ne vous dérange pas trop. Quelqu'un qui s'en vient, qui est relativement bien habillé, qui vous demande 25 cents, alors ça vous aimez déjà pas ça. Quand ça s'en va, il vous bouscule un peu, alors là, franchement, vous ne prenez pas du tout. C'est quoi la différence? Rien. Ce que votre ego perçoit. Dans l'un des cas, il est handicapé. Dans l'autre, il l'est aussi. Mais de handicap normalisé, reconnu comme normal, il est aussi manipulé que le handicapé mental. Il ne sait pas plus ce qui fait sa planète, il ne sait pas plus ce qu'il voit, il ne sait pas plus pourquoi il travaille. L'handicapé, il vous dit, les châteaux de sable, ça c'est important. L'autre, il vous dit, vendre des automobiles, ça c'est important. Les deux sont pognés pareil. Le handicap normalisé, on se projette dedans, on ne l'autorise pas. Alors, le boss qui vient vous frustrer, voyons donc. Je disais à un moment donné à ma fille qui allait à l'école, qui me disait que son directeur passait son temps à venir la niaiser, que son directeur la niaisait pas, qu'il était niaiseux, que c'était pas pareil. Puis quand elle a compris qu'effectivement, il la niaisait pas, il était niaiseux, elle a réglé tous ses problèmes. Avec lui. Quand il venait, ben, elle le laissait niaiser, puis quand il s'en allait, elle l'oubliait. Tandis qu'avant, t'es toujours là, pourquoi qu'il me niaise, puis c'est ici, puis c'est ça, ben, n'avais-tu contre lui? Vous voulez perdre votre vie? Ben, prenez-vous au sérieux, puis vivez-la pas sérieusement comme ça. Pourquoi la branche est venue me frapper? Pourquoi mon pneu est éclaté? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à cause de quoi, ça? Tu tasses la branche, puis tu continues à marcher. Tu t'essuies la joue qui fait mal, puis ça finit là. Puis quand t'en reviens trop souvent, t'en coupes. Tu cherches pas les pourquoi. Ou encore, tu contournes, t'apprends à la connaître. Qu'est-ce que la fonction cosmique de la conscience? Il n'y a pas de fonction cosmique de la conscience. La conscience, c'est le cosmos. Il n'y a pas de fonction cosmique de la conscience. C'est une visualisation extrêmement humaine. Est-ce que vous devez comprendre? Non. Est-ce que vous ne pourrez pas comprendre? Pas parce que vous n'êtes pas assez évolué. C'est parce que c'est absolument impossible à une structure neuronique de comprendre. C'est impossible à une structure qui n'est pas intentionnelle de comprendre. C'est impossible à une structure qui est expérientielle de comprendre. Impossible. C'est que nous fonctionnons uniquement ici avec l'illusion qu'il y a une cause à quelque chose. Au niveau cosmique, au niveau créationnel, il n'y a pas de cause à. Étant donné qu'il n'y a pas de cause à, il n'y a pas non plus de fonction à la conscience. Elle n'en a pas besoin. Ça ne doit pas perturber tous vos égos. Vous verrez plus tard. Vous saurez plus tard. En attendant, on va faire une petite pause. La pause est finie.